Ce sujet, pourquoi la nuit est-elle noire? C'est le type de question qui, à première vue, semble très proche de nous, qui, à première vue, semble ne pas être particulièrement intéressante, mais vous allez voir que c'est une question qui va nous amener très, très, très loin. Pourquoi la nuit est noire? Eh bien, si je vous demande pourquoi il fait clair le jour, il y a le soleil. Pourquoi la nuit? Parce qu'il n'y a pas le soleil. Mais il y a des étoiles. Les étoiles, elles sont pâles, elles sont faibles. Mais il y en a beaucoup. Et si on se pose la question de savoir pourquoi, s'il y a des étoiles sur des très très grandes dimensions, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, notre regard n'atteint pas une étoile, eh bien, cette question, c'est la question pourquoi la nuit est-elle noire? C'est une question qui s'est posée la première fois il y a autour de 1600. Avant 1600, avant Galilée, Copernic, on pense que l'univers est petit, que la Terre est le centre, que les étoiles sont comme des luminaires, pas très loin, un peu comme quand vous êtes au planétarium. Et puis, grâce à Galilée, on comprend que l'univers, c'est tout autre chose. L'univers, c'est le Soleil. La Terre tourne autour du Soleil, la Terre n'est pas le centre du monde, elle tourne autour du Soleil, et les étoiles sont des soleils. C'est une idée que les Grecs avaient. Certains Grecs ont eu cette idée, Anaximandre a eu cette idée. Et si les étoiles étaient des soleils? Mais ça paraissait tellement absurde, parce qu'imaginer qu'une étoile puisse paraître aussi pâle, alors qu'en fait elle est aussi brillante que le Soleil, ce serait supposer que l'univers est extrêmement grand. Il faudrait qu'elle soit extrêmement éloignée pour paraître aussi faible. Cette idée est confirmée grâce à Galilée et on découvre tout d'un coup que l'univers est gigantesque et que les étoiles sont dispersées dans des espaces extrêmement grands. Et Kepler, le premier, se dit, pose cette question, si l'univers est infini, s'il y a des étoiles disséminées dans l'espace jusqu'à des distances infinies, comment se fait-il que la nuit ne soit pas extrêmement brillante, étant donné que la somme de toutes ces étoiles venant de toutes les distances devrait nous donner une nuit noire? Cette question va rester dans l'esprit des astronomes de 1600, presque jusqu'au début de notre siècle. C'est le genre de question à laquelle on ne sait pas bien répondre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas répondre à une question? Ben, on pense à autre chose. Alors, on a vu très souvent comment les gens comme Halley, la comète, l'astronome qui a découvert la comète Halley, de Cheson, un astronome suisse, pose cette question et la laisse tomber parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse. On voit bien que la nuit est noire et on se dit, mais comment ça se fait que toutes ces étoiles additionnées laissent une nuit obscure comme celle-là? Le premier qui trouve une réponse, je vois qu'il y a plusieurs réponses et elles vont très très loin. Le premier qui trouve la réponse, ce n'est pas un scientifique, c'est un littéraire, c'est un poète. C'est Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe est un écrivain américain qui a écrit les histoires extraordinaires qui ont été traduites par Baudelaire. Edgar Allan Poe a un texte très intéressant qui s'appelle Eureka. C'est un texte dans lequel il décrit, il s'intéressait beaucoup à l'astronomie, mais en amateur comme ça. Et il pose cette question et il se dit ceci. Nous savons, on savait déjà à cette période, que la lumière ne voyage pas instantanément. On a découvert vers 1600, 685 plus exactement, que la lumière va très vite. Rømer a mesuré la vitesse de la lumière la première fois en 1685. La lumière, elle fait le tour de la Terre 8 fois en 1 seconde, pour vous donner une idée de la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Pour nous, 300 000 km par seconde, ça paraît très rapide. C'est aller à la Lune en 1 seconde, aller au Soleil en 8 minutes. Mais c'est rapide, oui, mais relativement, parce que les espaces sont tellement grands, sont tellement gigantesques, que quand on compare avec les dimensions de l'univers, en fait, la lumière, elle va très lentement. Elle progresse à un pas de tortue par rapport à ces très grandes distances. Et Allan Poe se dit ceci. Imaginons que l'univers n'a pas toujours existé. Imaginons que l'univers a un âge. Imaginons que les étoiles n'ont pas toujours existé. que les étoiles sont apparues à un certain moment donné, mais qu'avant ce moment, il n'y avait pas d'étoiles. Voilà cette idée qu'il a dans les 1840, 1850, c'est extrêmement intuitif. Il n'a pas d'argument pour cela, mais il le dit comme cela. Alors il se dit, les étoiles qui sont très très très très loin, leur lumière n'aura pas eu le temps de parvenir. Seules les étoiles qui sont à une certaine distance, qui correspond à l'âge de l'univers ou l'âge des étoiles, pourront nous parvenir. De sorte que les étoiles qui sont beaucoup plus loin, même s'il y en a une quantité infinie, les étoiles qui sont beaucoup plus loin ne peuvent pas nous parvenir. Donc le nombre d'étoiles qui peut nous éclairer n'est pas un nombre infini, n'est même pas très grand. Et c'est la réponse, en fait, c'est une des bonnes réponses. La nuit est noire parce que les étoiles n'ont pas toujours existé. Vous voyez que ça va très loin. Maintenant, nous en avons la confirmation par quantité d'observations, les théories astronomiques. Mais cette idée que si l'univers avait toujours existé, s'il y avait des étoiles, s'il y avait des étoiles de tous âges, des étoiles qui auraient des âges aussi grands qu'on veut, la nuit devrait être éblouissante. En fait, il est facile de calculer qu'elle serait aussi brillante que si vous mettiez des soleils partout à coller les uns aux autres. Vous imaginez un peu ce que serait la nuit. Ce n'est pas la nuit noire, ce serait une nuit éblouissante. Donc, première réponse à la question « Pourquoi la nuit est-elle noire ?» c'est que l'univers n'a pas toujours existé. C'est que les étoiles n'ont pas toujours existé. C'est qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers. S'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas prendre de flash, c'est dur pour les yeux. Il y a d'étoiles. Les étoiles qui sont dans l'univers sont des étoiles qui sont plus jeunes, forcément, que l'univers. L'univers a environ 14 milliards d'années, c'est le nombre qu'on lui donne aujourd'hui. Les étoiles sont donc plus jeunes, les étoiles, certaines étoiles ont à peu près cet âge-là. Il n'y a pas d'étoile plus vieille que 14 milliards d'années. Ça veut dire qu'aucune étoile située au-delà de 14 milliards d'années-lumière, le temps que met la lumière à nous parvenir, ne peut encore nous éclairer. Si on veut les voir, il faut attendre encore des milliards d'années. Voilà la première réponse donnée par Edgar Allan Poe. L'univers n'a pas toujours existé, les étoiles n'ont pas un âge infini, il n'y a pas d'étoiles au-delà de 14 milliards d'années, et c'est pourquoi la nuit est noire. Vous voyez comment on est parti d'une question toute simple, on se posait cette question, on est resté coincé avec cette question pendant 3 siècles, et la première réponse qui arrive, c'est Edgar Allan Poe, c'est que les étoiles, l'univers n'est pas éternel comme on le croyait depuis Aristote. On pensait que l'univers était éternel, infini, inchangeant. Non. Le premier élément qui nous montre que ça n'est pas vrai, c'est que le ciel n'est pas complètement noir. Ça n'est pas la seule réponse. Il y a une autre réponse qui s'ajoute à cela. C'est pas seulement parce que l'univers n'est pas éternel, c'est aussi parce que, alors ça c'est un phénomène qu'on va découvrir au début de notre siècle, c'est que l'univers est en expansion. Alors pour ça, je vais vous présenter cette image que vous voyez depuis un moment. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est l'image de notre univers. De quoi ça a l'air, notre univers, à très très grande échelle? Pas seulement à l'échelle des étoiles proches que nous voyons nous, parce que nos yeux ne sont pas très sensibles. On a utilisé le télescope, un des plus puissants, ce n'est pas le plus puissant, mais c'est un télescope des plus puissants, c'est celui qui est en orbite autour de la Terre, qui s'appelle Hubble Space Telescope, qui passe au-dessus de nos têtes à tous les 2 heures, à peu près, et qui regarde le ciel avec une précision extraordinaire. Et le directeur de la NASA a eu cette idée de dire, moi j'aimerais bien voir de quoi ça a l'air l'univers quand on regarde le plus loin possible. Si on veut voir le plus loin possible, évidemment, il faut regarder longtemps pour enregistrer beaucoup de lumière. Cette pause a duré 14 jours. Pendant 14 jours, ce télescope a regardé dans une direction. Et nous avons ici une image de ce qu'est notre univers. C'est quoi notre univers? Eh bien, c'est des galaxies. À cette échelle, à très très grande échelle, ce sont des galaxies. Chaque point que vous voyez ici, que ce soit ces surfaces un peu plus grandes comme celle-ci, ou ces tout petits points bleus que vous voyez là, ce sont des galaxies. Qu'est-ce que c'est une galaxie? Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles qui, comme par exemple notre Voie lactée, nous vivons, notre Soleil est une étoile dans une galaxie que nous appelons la Voie lactée, qui est une galaxie qui contient à peu près 100 milliards d'étoiles. Une galaxie contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. L'univers à très grande échelle, c'est des galaxies à perte de vue. Les tout petits points bleus que vous voyez là, ce sont des galaxies qui contiennent 100 milliards d'étoiles, dans lesquelles il y a peut-être, plausible, des planètes habitées, dans lesquelles il y a peut-être une institution qui s'appelle l'Université de tous les savoirs, où il y a quelqu'un, un jour, qui, devant un public, montre une image comme celle-là, pas celle-là évidemment, et montre un petit point qui correspond cette fois à notre Voie lactée, et dit, voilà, peut-être que quelque part, dans ce point, il y a quelqu'un qui présente le ciel. Alors, première chose, donc, une image de l'univers à très grande échelle. Voilà, on fait du tourisme à très grande échelle. De quoi ça a l'air l'univers? C'est comme un archipel de galaxies. Un nombre de galaxies dont on sait qu'il est très grand. On peut voir au moins 100 milliards de galaxies. 100 milliards de galaxies contenant en moyenne 100 milliards d'étoiles. Vous voyez que ça fait de la place pour mettre beaucoup d'universités de tous les savoirs qui peut-être en ce moment même sont en train de parler de l'univers et de pourquoi la nuit est noire. Premier point. Deuxième point, vous voyez que même à l'échelle des galaxies, et les points que l'on voit là, ce sont les plus loin que nous pourrons voir. Les télescopes optiques avec la lumière ne pourront pas montrer d'objets plus lointains que ceux-ci. Justement parce qu'ils sont à la limite de ce que nous pouvons recevoir étant donné l'âge de l'univers. Là, vous avez vraiment un exemple du fait que c'est non seulement quand on regarde le ciel, on voit les étoiles, mais évidemment, on ne voit pas les galaxies. On pourrait se dire qu'il y a beaucoup de galaxies qui peut-être rendent le ciel très brillant. Eh bien non, vous avez la preuve. Même avec les meilleurs télescopes du monde, la nuit est toujours noire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous importe particulièrement, c'est qu'on a découvert au début du siècle, et ça s'est confirmé tout au long du siècle, que ces galaxies ne sont en expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez une galaxie, quand vous êtes dans, et que vous regardez une autre galaxie, ces deux galaxies s'éloignent. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, et d'une façon totalement régulière. C'est-à-dire que si on revenait, par exemple, lentement, hein, c'est à l'échelle de milliards d'années. Si on revenait regarder cette image dans un milliard d'années, vous verriez que beaucoup de galaxies sont sorties du cadre, vous retrouveriez les mêmes dessins, mais agrandis. Voilà un phénomène fondamental. L'univers est en expansion. Cette expansion de l'univers fait que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, et si elles s'éloignent les unes des autres, la lumière qui vient des plus lointaines ne peut plus nous parvenir parce que les plus lointaines vont plus vite que la vitesse de la lumière, premièrement. Et deuxièmement, même celles qui sont dans notre champ, la lumière, par un effet que je ne vais pas décrire, si vous êtes familier, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire que si un objet s'éloigne de vous, sa lumière vous arrive avec moins d'énergie que celle que vous recevez. La lune, les corps qui s'éloignent de vous sont rougis. C'est-à-dire qu'ils perdent l'énergie que vous recevez est plus faible que celle qu'ils émettent. Alors voilà le deuxième point. Le ciel est noir parce que l'univers n'a pas toujours existé et aussi parce que l'univers est en expansion. Vous voyez qu'on va loin avec une seule question. Pourquoi la nuit est noire? Parce que l'univers n'a pas toujours existé, parce qu'il est en expansion. Alors, on va aller encore plus loin sur cette voie et je vais essayer de vous montrer comment ces phénomènes qui, a priori, paraissent bien académiques. Vous pouvez dire, oui, l'univers est en expansion, mais il a fallu des télescopes extrêmement puissants pour le découvrir. Est-ce que ça a un rapport avec moi? Est-ce que ça a un rapport avec vous? Est-ce que ça fait un rapport avec notre réalité quotidienne? Eh bien, vous allez voir que d'une façon tout à fait étonnante, ça a une réalité directe. Ces phénomènes qui se passent à ces grandes échelles ont une réalité, ont une influence sur notre propre existence, que dans le sens où si l'univers n'était pas en expansion, nous ne serions pas là. L'expansion de l'univers est un élément fondamental pour notre présence aujourd'hui ici dans cette salle, comme pour notre existence, comme pour l'existence de votre chat ou des oiseaux que vous voyez. Tous les systèmes organisés dans l'univers n'auraient pas pu exister, n'auraient pas pu s'organiser dans un univers qui n'aurait pas été en expansion, dans un univers qui n'aurait pas eu l'âge qu'il a. Je dis, il n'est pas éternel, mais il est quand même vieux, 15 milliards d'années, c'est quand même assez long, et s'il n'avait pas les dimensions qu'il a. Et pour cela, je vais vous montrer une autre image. Alors, on va essayer maintenant de coupler cette image-ci avec une autre image, qui est une toute autre échelle, mais qui fait également partie de l'univers, qui est l'image suivante. Voilà. Je veux dire, quel rapport entre ces deux images? Quel rapport entre une couvée d'oiseaux, comme on va en voir bientôt au printemps, et des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière, et le mouvement de ces galaxies qui s'éloignent de plus en plus vite? Eh bien, le rapport, il est dans ce phénomène suivant. Notre univers aujourd'hui est un univers qui est noir, qui est froid, très peu de chaleur, qui est raréfié, il y a très peu de matière, mais il y a un élément fondamental qui différencie l'univers que nous connaissons de l'univers des premiers temps. Nous avons la preuve, d'ailleurs je vais vous la montrer, nous avons un document très éloquent qui nous montre comment était cet univers il y a 15 milliards d'années. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. C'est un document qui date de 1965, qu'on affine maintenant, qu'on étudie beaucoup. En 1965, on a découvert un rayonnement qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est un rayonnement qui a été émis quand l'univers était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, quand il était totalement différent sur le plan de la constitution. L'univers d'aujourd'hui, encore une fois, il est froid, il est peu dense, il est noir, mais il y a aussi un élément très important de notre univers, c'est qu'il est très structuré. Nous vivons dans un univers dans lequel il y a des structures, des systèmes organisés pratiquement à toutes les échelles. Par exemple, à très grande échelle, je vous ai montré ici ces galaxies qui sont des structures comme la Voie lactée, 100 000 années-lumière. À des échelles plus petites, dans ces galaxies, il y a des étoiles. Et puis, si on descend dans l'échelle des dimensions, on arrive aux planètes, aux satellites, aux comètes, aux astéroïdes. On arrive aux êtres vivants sur la Terre, l'admirable variété des plantes et des animaux. Si on continue dans l'échelle des dimensions, on arrive aux vivants minuscules, les microbes, les bactéries. Encore plus bas, on arrive aux molécules géantes, que sont les protéines, l'ADN. Encore plus petit, on arrive au niveau des molécules simples, l'eau, le gaz carbonique, ce que nous respirons. Encore plus petit, on arrive au niveau des atomes, le fer, le carbone, l'azote, l'oxygène. On descend encore, on arrive au niveau des noyaux atomiques, les protons, les neutrons. Et ces protons et ces neutrons sont eux-mêmes constitués d'une particule que nous appelons le quark, Q-U-A-R-K, qui est le constituant fondamental de la matière, quarks, électrons et d'autres particules. Notre univers aujourd'hui est donc extrêmement structuré. Il y a des structures à toutes les échelles. L'univers de premier temps diffère complètement. Il est très chaud, très dense, très lumineux et totalement désorganisé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, pas de planètes, pas d'astéroïdes, pas d'êtres vivants, même minuscules, pas de molécules géantes, pas de molécules simples, même pas d'atomes, pas de carbone, pas d'azote, pas d'oxygène, pas même de noyau atomique. Il y a quoi? Une immense, pourrait-on dire, purée, torride, de ce qu'on peut appeler des particules élémentaires. Particules élémentaires, les électrons, les quarks. Voilà la différence fondamentale, et le document que je vais vous montrer maintenant, qui nous vient de cette période où l'univers était de cette façon, donc ce n'est pas quelque chose de spéculatif, c'est quelque chose qu'on observe. Ce document, je vais vous l'expliquer, parce que d'abord, ce n'est pas un document avec des couleurs réelles, c'est des fausses couleurs. C'est un télescope qui n'est pas celui-là. Celui-là, c'est un télescope optique qui voit la lumière, celle qu'on voit avec nos yeux. Le télescope dont je parle maintenant, c'est un télescope millimétrique, radiotélescope, qui observe des rayonnements qui sont répartis dans le ciel, et ce télescope a photographié le ciel dans toutes les directions, pour faire l'équivalent d'une sphère inverse, quand on est le centre, et qu'il les a mis ensuite sur un plan, comme quand on fait une map monde à partir d'un globe terrestre. Donc ce que je vais vous montrer, c'est le ciel tel qu'il était il y a 15 milliards d'années, à une période, encore une fois, et c'est cette image qui nous le montre, qui nous le confirme, où il était extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux, mais totalement désorganisé. C'est une image en fausse couleur, pas que vous pourrez comprendre a priori, parce que ça prendrait beaucoup d'explications. Ce que je peux vous dire, voilà, ça c'est l'image de l'univers il y a 15 milliards d'années. Comme quoi, c'est la voûte céleste qui a été répartie. Imaginez que c'est quelque chose comme un équateur avec des pôles. Les différences de couleurs sont des différences de température. Très très faibles différences qui ont été très très très magnifiées. À partir de cette image, on a confirmé ce qu'on avait, ce dont on se doutait, qui était une théorie qui avait déjà beaucoup de succès, qui est ce qui s'appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang, qui est la théorie favorite de tous les astrophysiciens pour des très bonnes raisons, parce qu'elle est confirmée au-delà de tout doute raisonnable, disons. C'est pas la vérité, il n'y a pas une vérité. La science n'est pas un domaine où c'est comme ça, c'est pas comme ça. C'est un domaine dans lequel on essaie d'avoir des idées, d'avoir des représentations, des modèles, des théories qui collent aussi bien que possible avec l'ensemble des observations. La meilleure théorie aujourd'hui, c'est la théorie du Big Bang. Qu'est-ce qu'elle dit, la théorie du Big Bang? Ben, elle dit ça. Elle dit que l'univers n'a pas toujours existé, que l'univers est en changement, que l'univers est en refroidissement, que l'univers est en raréfaction, en obscurcissement. La nuit est noire et elle sera de plus en plus noire, mais pas à l'échelle de quelques années, à l'échelle de quelques milliards d'années. C'est quelque chose qui va se poursuivre. Elle dit surtout que l'univers des premiers temps était très chaud, très dense, très lumineux et totalement désorganisé, qu'il n'y avait aucune des structures que nous observons aujourd'hui dans l'univers. De sorte qu'on peut raconter l'histoire de l'univers en disant c'est l'histoire de comment on est passé de là à là avec ça. Voilà l'histoire de l'univers. C'est-à-dire comment on est passé de ce chaos, parce qu'on peut parler d'un chaos au sens, non pas où M. Lascar a sans doute parlé du chaos hier, mais dans un sens un peu différent, qui est pas de sens d'organisation, pas de système organisé. Comment on est passé de là avec cet univers, avec des très grandes structures que sont les galaxies, avec à l'intérieur de ces galaxies la vie. Eh bien, cet ensemble-là, on peut le résumer en disant l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de ce qu'on appelle la croissance de la complexité. C'est-à-dire, l'univers des premiers temps est un univers simple, dans le sens qu'il n'a pas de structure, dans lequel, au cours des milliards d'années, tout au long de ce refroidissement, il se produit ce phénomène extraordinaire, mais observable. La preuve, c'est que nous sommes là, et que nous sommes précisément un des résultats de cette très longue histoire qui se poursuit et dans laquelle nous voyons progressivement apparaître des structures de plus en plus complexes, d'une part des galaxies, des étoiles, des planètes, quand on regarde dans les très grandes dimensions, et d'autre part, les premiers noyaux atomiques, protons, neutrons, les premiers atomes, les premières molécules, et sur la Terre, les premiers vivants, et ensuite l'évolution de la vie, jusqu'à l'apparition des hominiens, jusqu'à l'apparition des hommes, jusqu'à chacun d'entre nous. Voyez, il y a un lien direct entre le fait que vous ne pourriez pas exister, vous n'auriez jamais pu exister à cette période, l'univers était à des milliards de degrés, totalement désorganisé, et que cette organisation s'est passée pendant ce refroidissement de l'univers. Je vais faire une comparaison, les comparaisons sont toujours un peu dangereuses, mais c'est une comparaison, je pense, qui en vaut la peine, entre la façon de l'univers de structurer la matière. Quand je dis l'univers, la matière, je ne sais pas qui c'est, hein. Vous savez, chacun a votre interprétation philosophique, religieuse, j'entre pas là-dedans. Je dis simplement la nature, comme on dit, la nature. La façon de la nature, mettez des guillemets, d'organiser la complexité, elle est assez semblable à la façon, au mode du langage écrit. Le langage écrit, je vais vous rappeler des choses que vous avez apprises sur les bancs d'école, c'est que le langage écrit, c'est quoi? C'est d'abord les lettres. On vous dit, il y a un alphabet, 26 lettres en français, les Chinois en ont 10 000, il y a beaucoup d'alphabets sur la Terre, mais le mode est toujours le même. Vous prenez des lettres qu'on va appeler des particules élémentaires, vous allez voir pourquoi, ou des éléments, des briques élémentaires, et on va les mettre ensemble, et ces lettres mises ensemble vont faire émerger une propriété qui est le sens du mot que vous avez formé. Si vous mettez ensemble B, L, E, U, immédiatement, dans votre esprit, vous avez vu une image, la couleur, le bleu. Cette propriété émergente qui est associée à ces lettres, dans cet ordre-là, si je change l'ordre, ça ne marche plus. C'est historique, conventionnel, en français c'est comme ça, en anglais c'est B, L, U, E, n'importe. Conventionnellement, tout le langage écrit est fait avec cette recette qui consiste à dire, on prend des lettres, on les met ensemble, on fait un mot. Propriété émergente, le sens du mot. On prend ces mots, on rejoue le même jeu. On met les mots ensemble, on fait une phrase. Le ciel est bleu. Propriété de la phrase. On prend ces phrases, on les met ensemble, on fait des paragraphes. On fait des chapitres, on fait des livres, on fait des collections, on fait des bibliothèques. Tout le savoir humain est stocké, peut-on dire, de cette façon, avec ce qu'on peut appeler une pyramide des alphabets dans lequel on a toujours la séquence lettres, mots, phrases, paragraphes, et qui a comme caractéristique le fait qu'à chaque étage, les éléments sont composés des éléments à l'étage en dessous, les mots sont composés de lettres avec propriété émergente, et les mots composent les phrases avec propriété émergente. Voilà ce qu'on a, la structure du langage, vous saviez tout ça, je vous le rappelle, parce que c'est commode, parce que ce qu'on a découvert en faisant la science, et je dirais que si on voulait résumer l'ensemble des connaissances scientifiques depuis la Renaissance, et même avant, on peut résumer l'ensemble des connaissances en disant « la nature est structurée comme un langage ». Ça veut dire exactement ça. Au lieu d'avoir la pyramide lettres, mots, phrases, dans la nature, on a une pyramide dans laquelle vous avez particules élémentaires, protons, neutrons, atomes, molécules, qui jouent un rôle tout à fait analogue. Je vais vous montrer cette pyramide de la nature. Elle est ici. Première phrase, la nature est structurée comme un langage. Ceux qui sont familiers avec la psychanalyse, vous savez que Lacan disait « l'inconscient est structuré comme un langage, la nature est structurée comme un langage ». Ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que nous avons à chaque étage des structures, par exemple les quarks et les électrons, les neutrons et les protons, vont s'associer pour faire des atomes, qui vont s'associer pour faire des molécules. Sur la Terre, en tout cas peut-être ailleurs, il y a des cellules vivantes qui sont des associations de molécules avec propriétés émergentes, qui sont les propriétés de la vie. Les cellules sont organisées en organismes vivants, votre chat, votre chien, vous-même, sont des organismes vivants qui sont des fédérations de cellules avec des propriétés émergentes. Et au-dessus, écosystème, et puis... Eh bien, ce que nous avons découvert, donc, c'est cela. La nature est structurée comme un langage. Et cela rassemble les différentes sciences. C'est la physique qui nous parle de ceci, c'est la chimie qui nous parle de ceci, la biologie, la psychologie, la sociologie. Vous voyez, toutes ces sciences sont un peu comme des chapitres d'une longue histoire qui est l'histoire de la structuration de la matière qui est analogue, encore une fois, à la structuration du langage. Voilà le message, je dirais, des différentes sciences. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que il y a différentes forces qui sont en jeu. Ici, c'est la force nucléaire qui relie les quarks dans les protons et les neutrons. C'est la force électromagnétique qui relie, qui lie, qui soude les atomes, les molécules et tout ça. Et puis la force de gravité qui fait les étoiles. On va revenir dans un instant au rôle de la force de gravité. Eh bien, toute cette histoire que vous voyez là, la nature est structurée comme un langage, le message des sciences, à cela s'ajoute le message de l'astronomie. Qu'est-ce qu'il nous dit l'astronomie? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, tous ces étages sont habités. Il y a du monde à tous les étages. Dans les premiers temps de l'univers, non. Ces étages étaient inhabités. Il n'y avait pas de représentants de ces différentes structures. Voilà l'univers des premiers temps. L'univers tel que vous l'avez vu dans cette image, il n'y a que ça. Il n'y a rien au-dessus. Et l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de comment, à des dates que nous connaissons, aujourd'hui nous pouvons même mettre des dates précises, on a vu les quarks se transformer en protons et en neutrons. L'univers avait 40 millionièmes de seconde, vous voyez que c'est peu. Les premiers atomes, qui sont les noyaux d'atomes, qui sont les atomes d'hélium, apparaissent quand l'univers a environ 2-3 minutes. Et plus tard apparaissent les molécules. Sur la Terre, les premières cellules apparaissent il y a 3 milliards 800 millions d'années. Les premiers organismes, il y a à peu près 1 milliard d'années. Donc c'est vraiment une chronologie. Et cette chronologie, je l'ai résumée par la phrase, la pyramide de la complexité s'érige au cours du temps. Donc, message des différentes sciences, la nature est structurée comme un langage, chimie, physique, biologie, message de l'astronomie, la pyramide de la complexité s'érige au cours du temps. Et là, vous comprenez maintenant le rapport qu'il y a entre cet univers gigantesque dont je vous ai parlé tout à l'heure et l'univers des oiseaux qu'on a vu. Cette réalité qui est nous-mêmes, qui est la vie, ne peut apparaître que dans un univers où il y a eu tout ça. Je vais vous montrer une autre image tout à fait extraordinaire aussi, qui est reliée à un des chapitres. Un des chapitres importants, c'est le chapitre dans lequel neutrons et protons s'associent pour faire les atomes. Nous savons où ça se passe aujourd'hui. Ça se passe à l'intérieur des étoiles. Ce sont les étoiles qui associent les protons et les neutrons en atomes. Le Soleil, par exemple, aujourd'hui, est une étoile qui brille parce qu'au centre du Soleil, il y a des réactions nucléaires. Ces réactions nucléaires associent de l'hydrogène en hélium. Le Soleil fabrique de l'hélium. Cette réaction nucléaire dégage de l'énergie. C'est la même réaction nucléaire qui se passe dans une bombe atomique de type H, bombe hydrogène. Sauf que le Soleil contrôle le débit, et cette réaction nucléaire dégage de l'énergie et fabrique de l'hélium. D'autres étoiles prennent cet hélium et le transforment en carbone, en oxygène. Et je vais vous montrer un autre document tout à fait impressionnant, qui est le suivant, que je vais vous montrer en fait en deux parties. À un moment donné, les astronomes ont observé dans le ciel cela, en se demandant qu'est-ce que c'est que cela. On appelait ça le papillon parce qu'il y avait des antennes, mais on ne voyait pas très bien ce que c'était. Grâce au télescope Hubble, on a pu regarder, et le petit dessin bleu que vous voyez qui entoure, vous allez le voir reproduit ici, et ça donne ceci. Qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, c'est un phénomène tout à fait extraordinaire. C'est une collision de deux galaxies. Vous avez devant vous deux galaxies, une qui est ici, l'autre qui est là. Ces deux galaxies sont en collision. Qu'est-ce qui se passe quand deux galaxies sont en collision? Ce n'est pas comme des boules de billard, c'est plutôt comme deux nuages qui s'interpénètrent. Quel est l'effet de la collision de deux galaxies? C'est la production d'une quantité gigantesque de ce qu'on appelle des étoiles géantes bleues. Si vous êtes familier avec le ciel nocturne, si vous connaissez par exemple la constellation d'Orion, regardez les trois rois mages de la constellation d'Orion, ce sont des géantes bleues. Géantes bleues, ce sont des étoiles très très brillantes, 100 000 fois plus brillantes que notre Soleil, très chaudes, qui vivent très peu à l'échelle astronomique. Elles vivent peut-être 10 millions d'années, ce qui est très peu. Le Soleil en a déjà 5 milliards. Ce sont des étoiles qui sont remarquables parce qu'elles produisent de l'oxygène. Ce sont les grandes productrices de l'oxygène. Or, si vous regardez ici, vous allez voir dans cette image quantité énorme de ces petits points bleus. Tout ça, ce sont des géantes bleues. Ce sont des géantes bleues qui sont apparues au moment de la collision. La collision a provoqué un accroissement prodigieux de la quantité d'étoiles géantes bleues. Ces étoiles géantes bleues vont produire de l'oxygène tout au long de leur vie et quand vous touchez votre corps, notre corps est composé de beaucoup d'oxygène. L'oxygène est même l'atome qui est le plus nombreux en nombre d'atomes dans le corps, c'est l'oxygène. Cet atome, ces atomes d'oxygène que vous touchez, n'existaient pas au premier temps de l'univers, rappelez-vous, ont été constitués, ont été formés par des réactions nucléaires dans des étoiles géantes bleues, lesquelles ont vécu avant la naissance du Soleil, ont vécu, sont mortes, ont disséminé leur matière dans l'espace, et quand le système solaire s'est formé, quand la Terre et le cortège planétaire s'est formé, ces atomes qui étaient déjà là, qui avaient été faits par les étoiles, se sont retrouvés dans la matière de la Terre, dans la surface de la Terre, dans la biosphère, et ont été importants pour l'apparition de la vie. Et là, vous voyez le lien très important entre des phénomènes dimensions gigantesques comme celle-là. Vous imaginez les dimensions de l'univers dans lequel il peut y avoir des collisions de galaxies. Ces collisions de galaxies produisent des nouvelles étoiles qui produisent des atomes. Je vais vous montrer quelques images. On a de très belles images maintenant grâce à ce fameux télescope et bien d'autres, ce n'est pas le seul d'ailleurs. Maintenant que nous savons l'importance des étoiles dans notre existence, puisque l'un être vivant est composé d'atomes, et ces atomes n'existaient pas au premier temps de l'univers. Donc il a fallu qu'entre les premiers temps de l'univers et vous, il y ait des étoiles. Ces étoiles nous intéressent non seulement parce qu'on aime bien voir un beau ciel étoilé, mais aussi parce qu'elles nous apprennent, elles sont présentes dans notre passé, elles sont dans notre généalogie. Dans notre généalogie, dans notre existence aujourd'hui, il y a eu ces phénomènes qui sont la naissance, la vie et la mort des étoiles. Et je vais vous montrer quelques documents qui illustrent ceci. Voilà un document particulièrement impressionnant. Il y a toujours, continuellement, dans la galaxie, des nouvelles étoiles qui se forment. Les étoiles se forment dans des grands nuages obscurs comme ceci, nuages de très grande dimension. La dimension de ce nuage-ci, c'est une année-lumière, ce qui fait 10 000 milliards de kilomètres. Si vous regardez bien cette image, vous verrez partout ce qu'on peut appeler des éperons, des petites pointes. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là. Partout, il y a des éperons. Ces éperons, c'est précisément des étoiles qui sont en train de naître. C'est précisément des étoiles qui sortent. C'est l'accouchement, presque au sens propre. Ces nuages dans lesquels, par compression gravitationnelle, les étoiles se sont formées, les étoiles sortent de leurs nuages, commencent leur vie, si on peut dire, d'étoiles dans la galaxie. À partir de ce moment-là, notre Soleil est né dans un nuage comme celui-là, il y a 4 milliards 500 millions d'années. C'est un phénomène qui se poursuit continuellement. Donc, naissance des étoiles dans des nuages obscurs. Ces étoiles vivent, brillent, très peu de temps si ce sont des géantes bleues, meurent. Alors, voilà encore un beau document sur la mort des étoiles. Voilà une étoile qui est morte le matin du 4 juillet de l'an 1054. Elle a été observée par des astronomes chinois. Et quand on regarde dans la direction qui est indiquée par eux, c'est ça que nous voyons. Cette espèce de masse de gaz dans laquelle vous devinez des turbulences extrêmement importantes, des mouvements très violents. Tout ça, ce sont les débris d'une étoile qui a vécu, qui est morte ce matin, du 4 juillet, qui a été très très brillante, elle était visible en plein jour pendant longtemps, les astronomes chinois qui l'ont vue nous ont laissé des archives très précises, et voilà ce qu'on voit quand on regarde dans cette direction. Donc, alors je mets ces deux images en parallèle, parce que là vous avez deux chapitres, naissance des étoiles et mort des étoiles, en tout cas des géantes bleues. Donc les étoiles ne sont pas des géantes bleues, mais les géantes bleues nous intéressent particulièrement parce qu'elles fabriquent de l'oxygène, parce qu'elles explosent. Alors, maintenant, remettez ça dans une séquence temporelle. Vous avez une étoile ici qui meurt. Elle émet, elle dissémine dans l'espace les atomes qu'elle a fabriqués, en particulier de l'oxygène, du carbone, de l'azote, qui sont les atomes importants pour le corps humain, pour toute la vie. Ces atomes vont ensuite se disséminer dans toute la galaxie, dans la Voie lactée. Et quand des étoiles se formeront plus tard, à partir de nuages, ces nuages auront été contaminés, enrichis en atomes qui ont été formés dans les générations précédentes. Vous voyez, il y a une séquence de générations, mort des étoiles, naissance de nouvelles étoiles qui vont vivre, qui vont mourir, qui vont disséminer leur matière, qui va Et le résultat, c'est que progressivement, au cours des milliards d'années, la matière de la galaxie s'enrichit en atomes lourds. Au premier temps de la galaxie, il n'y avait pas d'atomes d'oxygène, encore une fois, il n'y avait pas d'atomes du tout. Il y avait que protons, neutrons, hydrogène, un peu d'hélium, pas de carbone, pas d'oxygène, pas d'azote, pas de fer, pas de plomb, pas d'uranium, tous les atomes datables de Mendeleïev n'étaient pas là. Ils ont été formés par des séquences comme ceci, dans lesquelles vous avez ce cyclage continu de la matière qui fait des étoiles, qui fait de nouveaux atomes, ces étoiles meurent, éjectent leur matière, et continuellement, grâce à ce phénomène, on voit la galaxie s'enrichir en atomes lourds, et en particulier, la galaxie a un peu moins de 15 milliards d'années, elle est née peut-être 14 milliards d'années, le Soleil a 4,5 milliards d'années. Ce qui veut dire que la galaxie existait déjà depuis près de 10 milliards d'années avant que le Soleil apparaisse. À cette période, la galaxie était déjà très enrichie en atomes lourds, ce qui a permis, par exemple, la formation de la Terre. La Terre, c'est un gros caillou. Un gros caillou, c'est du silicate, c'est du silicium et de l'oxygène, c'est comme le sable. Ces atomes de silicium et d'oxygène, de fer, de magnésium, n'existaient pas au tout premier temps de la galaxie. Il ne pouvait pas y avoir de planète solide. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'atomes capables de former des réseaux cristallins, capables de former des pierres solides. Ça n'est que progressivement que c'est apparu. On a vu apparaître donc des planètes solides, et on a vu apparaître sur ces planètes solides de l'eau. Cette eau composée d'oxygène et d'hydrogène, cet oxygène composé, fabriqué par les étoiles. Et donc, 4,5 milliards d'années, la Terre se forme dans un nuage comme ceci, et cette Terre a tous les éléments qui peuvent créer la vie, les atomes, etc. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une autre image qui est particulièrement intéressante aussi et qui va vous ramener à Pascal. Pascal, il revient souvent dans ce cadre, Pascal disait « Le silence éternel » de ces espaces infinis m'effraient. Vous aviez appris ça au lycée, sans doute, dans la petite collection Attier ou Larousse, je ne sais pas. Quand Pascal écrit cette phrase, c'est vers 1650, c'est peu après Galilée, c'est-à-dire peu après le moment où on a découvert que l'univers est très grand. Et ça, c'était un choc. C'était un choc que Freud appellera le choc astronomique. C'est-à-dire que l'humanité qui croyait vivre dans un petit cocon bien douillet, avec le ciel pas très loin, la Terre au centre du monde, tout d'un coup se trouve dans un espace gigantesque, se retrouve comme perdu, comme aliéné dans un univers dont il n'est qu'une petite poussière, et Pascal ne sait pas encore, n'a pas encore une idée des dimensions que nous connaissons, mais il sait déjà que l'univers est très grand, que le Soleil est une étoile, qu'il y a des quantités de Soleil dans le ciel. Et il a ce sentiment, on peut dire, d'aliénation, tout d'un coup, de se sentir perdu, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Si Pascal revenait aujourd'hui, on pourrait lui dire qu'il n'a pas raison d'être inquiet. Pourquoi? Parce que si l'univers était ce petit univers dans lequel on se croyait être vers les 1600, cet univers était beaucoup trop petit, n'aurait jamais pu donner naissance à la vie. Vous avez vu les dimensions que ça prend pour donner naissance à la vie. Ça prend des univers qui ont des dimensions gigantesques, parce qu'il faut y mettre des collisions de galaxies. Ça prend un univers très vieux aussi, parce que l'univers, quand il apparaît, est incapable d'avoir quelqu'un qui s'appelle Blaise Pascal et qui peut dire le silence éternel de ces espaces infinis. Voilà l'univers des premiers temps. Cet univers progressivement se structure et ça met du temps. Avant que les galaxies, que les étoiles apparaissent, que les atomes apparaissent, il faut mettre plusieurs milliards d'années. Et avant que dans ces galaxies se forment des planètes comme la Terre, que cette Terre évolue, qu'on y voit apparaître les premiers vivants, les cellules vivantes, les poissons, les amphibiens, les reptiliens, les mammifères, les hominiens, tout ça, ça prend encore 4 ou 5 milliards d'années. Pour que dans un univers, il y ait quelqu'un qui puisse se poser des questions, ou dire comme Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, il faut que l'univers soit très grand, et il faut qu'il soit très vieux. Dans un univers jeune, dans un univers qui serait plus petit, il n'y aurait pas d'être vivant, il n'y aurait pas de conscience, il n'y aurait pas de personne, parce qu'il n'y aurait pas eu les galaxies, les atomes et tout cela. Premier point où Pascal nous touche. Deuxième point, Pascal a aussi une remarque très intéressante sur ce qu'il appelle les deux infinis. Déjà, à l'échelle de Pascal, on savait qu'il y a des objets très grands, beaucoup plus grands que nous-mêmes. On connaissait déjà les planètes, les étoiles, ce que lui appellera à cette époque l'échelle de l'infiniment grand, des objets beaucoup plus grands que nous. Et puis, à l'inverse, en regardant une échelle plus petite, qu'il appellera l'infiniment petit, il va considérer l'existence des fourmis, et puis c'est la période où on commence à voir les premiers microscopes, on commence à voir qu'il y a des tout petits organismes, et il a cette idée des deux infinis dans lesquels nous sommes situés. Entre les deux, l'infini, nous sommes situés. Il y a d'un côté les étoiles, les planètes, et l'autre côté les êtres tout à fait microscopiques. Ces deux infinis, nous allons les retrouver d'une façon qui sans doute surprendrait également beaucoup Pascal, parce que nous allons en ajouter un autre. Nous allons dire, il y a l'échelle des choses très grandes, et on va aller beaucoup plus loin que Pascal, parce qu'on va, Pascal n'avait aucune idée des galaxies, des collisions de galaxies, des univers, comme vous avez vu, il n'avait pas, on ne pouvait pas à cette époque connaître ces êtres de dimensions gigantesques. Non plus qu'il ne connaissait ni les molécules, ni les atomes, ni les quarks, ni les électrons. Tout ça, ça fait pas plus d'un siècle qu'on commence à connaître ça. Donc nous avons beaucoup étendu les deux échelles entre lesquelles nous sommes situés, mais nous avons introduit une troisième échelle qu'on peut appeler l'échelle de la complexité. On peut aussi mettre les êtres dans l'échelle de la complexité, et ça peut donner quelque chose comme ceci. Alors voilà, nous sommes là. L'échelle de la complexité, en fait, ils sont plutôt là, je dirais. Alors, j'ai remis ici l'échelle des très grands, c'est planète, ça Pascal connaissait, étoile, galaxie, bien sûr, il n'avait jamais vu, et univers. Donc, une échelle qui s'étend beaucoup plus loin que ce qu'il pensait, d'une part vers le très grand, et aussi vers le très petit. Molécules, atomes, protons, neutrons, quarks, et puis des hypothétiques supercornes qui seraient les parents de tout cela. Bien, nous avons une troisième échelle qu'on va appeler l'échelle de la complexité, dans laquelle on va mettre les êtres vivants, les cellules, les organismes vivants, les écosystèmes, et puis la pyramide que j'ai mis tout à l'heure. Alors, ce qui est fascinant, c'est que de constater comment l'apparition de la complexité et la croissance de la complexité est liée à un dialogue entre des structures très grandes et des structures très petites. Il est essentiel que les deux interagissent. On l'a vu, les étoiles fabriquent les atomes. Sur les planètes, sur la Terre et peut-être sur d'autres planètes, se fabriquent les molécules géantes qui vont donner naissance à la vie. Les premiers vivants apparaissent sur la Terre ici. Si on recule maintenant plus loin, l'univers dans son ensemble, ça c'est un sujet plus difficile dans lequel j'aborderai pas, mais qui est bien connu, les propriétés de l'univers dans son ensemble, propriétés géométriques, topologiques, sont responsables de la structure des particules élémentaires, de la masse des électrons, de la masse des différentes particules. Donc il y a cette interaction très continue entre les systèmes très grands, les systèmes très petits. Et cette interaction va donner lieu à une échelle de la complexité. Alors ici, on va mettre une échelle de temps. Voilà l'univers des premiers temps. Qu'un univers avec des particules élémentaires. À mesure que le temps passe, on s'avance. Il y a cette progression continue vers des structures de plus en plus complexes. Protons, atomes, molécules. Sur la Terre apparaissent les premiers vivants. Et les vivants s'organisent. Et là, ça c'est un autre chapitre dans lequel je ne pourrais pas aborder maintenant, l'interaction encore maintenant des phénomènes de grande dimension avec les phénomènes vivants. Par exemple, le fait que des météorites géantes ont frappé la Terre à différentes périodes et ont produit des changements très importants dans l'évolution de la vie. Les dinosaures, vous l'avez certainement vu, sont disparus il y a 65 millions d'années. Pourquoi? Parce qu'une météorite géante a frappé la Terre quelque part près du Mexique et l'effet a été de faire disparaître non seulement les dinosaures, mais la moitié des êtres vivants, des variétés vivantes à cette époque, ce qui a permis aux mammifères de se développer. On pense que les mammifères, on sait que les mammifères existaient depuis longtemps, on pense que leur développement était bloqué par la domination des grands sauriens. Moi, c'est une idée qui est bien défendue par les paléontologues, c'est pas mon domaine, je pourrais pas, mais je crois que leurs arguments sont crédibles, et que la disparition des grands sauriens a laissé des niches nouvelles, et tout de suite après la disparition, on voit évoluer très rapidement, se ramifier les différents mammifères, on voit apparaître les chats, les chiens, les différentes branches. Il y a une évolution très rapide des mammifères suite à la disparition des dinosaures. Vous voyez, une espèce d'intervention, encore une fois, astronomique. On a eu le même phénomène, il y a un autre phénomène très important, un bouleversement très important de la vie, il y a 225 millions d'années, c'est ce qu'on appelle le passage de l'époque primaire à l'époque secondaire, dans lequel il y a eu apparemment plus de 90% des variétés qui ont été éliminées. On ne sait pas très bien si c'est une météorite, c'est une question qui est discutée, qui a fait l'effet de beaucoup de discussions. C'est tout à fait possible. C'est un phénomène qui est important. C'est le rôle continu que jouent les grandes dimensions sur l'évolution de la vie, dont le cas le plus simple est simplement la lumière du soleil. Si le soleil ne nous éclairait pas d'une façon continue depuis 5 milliards d'années, nous assurant une température à peu près constante, parce que l'orbite de la Terre est à peu près circulaire, donc il n'y a pas de grandes variations de température, cette présence de cette étoile près de nous est ce qui a permis non pas seulement à la vie, non pas seulement d'apparaître, mais d'évoluer et de continuer à évoluer. Donc toujours cette interaction entre les très grandes dimensions et les dimensions de la vie. Alors, vous voyez, Pascal, encore une fois, on pourrait lui dire, voilà, l'intuition de Pascal, l'échelle très grande, l'échelle très petite, d'une part, se poursuit, il avait tout à fait raison, on va beaucoup plus loin dans cette dimension. Ce qu'il ne soupçonnait pas, c'est que ces deux échelles allaient, par leur interaction, donner naissance à une troisième échelle, qui est l'échelle de la complexité, dans laquelle on a vu ce dialogue continuel et l'apparition progressive de la complexité et le rôle encore présent des galaxies, du Soleil, des astéroïdes. Alors là, on revient à la première question. Pourquoi la nuit est-elle noire? On a vu pourquoi la nuit est noire. C'est parce que l'univers n'est pas infini. C'est parce que l'univers est en expansion. Cette expansion de l'univers, cette propriété d'expansion de l'univers, est responsable du refroidissement de l'univers, de la structuration progressive de la matière qui n'aurait pas pu se structurer à très haute température. Cette structuration est responsable de l'évolution de la complexité et, finalement, de l'apparition de chacun d'entre nous. Donc, en résumé, je vous remets les trois images maintenant et vous voyez le lien très intime qui existe entre l'obscurité de la nuit, ce que nous avons découvert de l'état des premiers temps, ce que nous avons appris sur l'histoire, la croissance de la complexité, l'apparition tout au long de cette complexité, la structuration de la matière qui monte les échelons de la complexité, nous apparaissons quelque part ici et nous apparaissons au moment, quand nous nous demandons la question pourquoi la nuit est noire, nous découvrons que tout cela est imbriqué, ultimement imbriqué ensemble et que notre existence aujourd'hui, ici ce soir, en train de parler de tout cela, est reliée à l'obscurité de la nuit.